Ses premières campagnes, son commerce avec Nicomède. César fit ses premières armes en Asie, où l'avait emmené le préteur Marcus Termus. Chargé par lui d'aller chercher une flotte en Bithynie, il s'arrêta chez le roi Nicomède, à qui on le soupçonna de s'être prostitué. Ce qui confirma ce bruit, c'est qu'on le vit peu de jours après retourner en Bithynie, sous prétexte de faire payer une certaine somme due à un affranchi, son client. Le reste de la campagne fut plus favorable à sa réputation, et à la prise de Mytilène, il reçut de Termus une couronne civique.